mwen trop pou mwen. Sa son lot music love encore. Love pou mwen trop pou mwen. Sa son lot music. Si ou e sa, tout moun ou yo e to mwen. Yo pense mba kam yo men. Se lou ki pou d'accord. I know that I'm something else. I know. Gen menti mwen pa bou. I know. Gen verite mwen kache ou tou. I know. Fota ngayi mwen dou. Lot music love encore. Love pou mwen, trop pou mwen. Sa son lot music. San respect, san respect. Plize jem mwen manke ou respect. Mwen san ou, bebe san ou. Mwen son potre ki san poule. Eskize pou, kesyon boze m. Eskize pou, ripons mwen ba ou. Oui mwen gen bis, ma bo ofri ou plis. So please, please, please. Chargé des fois ton est boulé, mon est boulé. Bibo chargé des fois ton est boulé, mon est boulé. Les chiens lui même, ton est crasé. I know. I know. Et ma belle j'aime quitter ou d'ailleurs. Moi ma belle j'aime quitter ou.